Bonjour, en ce jour un peu particulier pour moi puisque c'est le jour du grand départ de Facebook, je vous lis un texte paru sur l'excellentissime blog de Calimac. C'est sur sifolex.com. Il y aura le lien en description évidemment. Et le titre est Veuillez accepter nos conditions, la fabrique du consentement chez Facebook et les moyens d'y mettre fin. Facebook s'y était engagé cette semaine. Et cela s'est produit hier, à savoir le 21 avril, puisque l'article date du 22 avril 2018. Des millions d'utilisateurs en Europe ont reçu un mail de la plateforme les invitant à accepter les nouveaux paramètres de confidentialité mis en place pour de se mettre en conformité, il y a un petit bug je pense là, pour se mettre en conformité avec le règlement général de protection des données, le RGPD, qui entrera en vigueur le mois prochain. Le message était intitulé Veuillez accepter nos conditions d'utilisation avant le 25 mai pour continuer à utiliser Facebook. Et en elle-même, cette formulation est problématique car elle revient une nouvelle fois à exercer sur les utilisateurs une forme de chantage au service. Alors que le scandale Cambridge Analytica est encore dans tous les esprits, Facebook a déployé beaucoup d'efforts pour tenter de rassurer ses utilisateurs européens, allant jusqu'à acheter des publicités en pleine page dans la presse pour vanter les mérites du RGPD et afficher sa volonté de s'y conformer. À vrai dire, ce texte n'était pas particulièrement rassurant, notamment à cause de cette phrase, ouvrez des guillemets, conformément aux nouvelles règles, vous devrez revoir vos choix concernant l'utilisation de vos données personnelles sur Facebook. Fermez les guillemets. Car cela revient, encore une fois, à renvoyer les individus à la responsabilité de la protection de leurs données, alors que c'est à l'entreprise elle-même qui devrait revoir ses principes de fonctionnement pour se mettre en conformité avec le RGPD. Indépendamment de leur contenu, la manière dont Facebook a demandé à ses utilisateurs d'accepter ce changement de ses conditions d'utilisation fait très sérieusement douter de sa volonté de respecter les principes du RGPD, à commencer par l'obligation de recueillir un consentement libre et éclairé qui n'est ici manifestement pas satisfaite. Dans la fabrique du consentement de Facebook. On doit l'expression fabrique du consentement à Edward Herman et Noam Chomsky, qui l'ont forgé pour décrire la manière dont les médias exercent une influence déterminante sur les élections aux États-Unis. Mais il y a matière à reprendre cette formule pour désigner ce qui sera un des enjeux les plus importants de l'application du RGPD. Le texte requiert, en effet, dans la plupart des cas, que les personnes expriment leur consentement à un traitement de données à caractère personnel. Il sera donc crucial pour les plateformes d'arriver à faire consentir leurs utilisateurs, et la manière dont Facebook a présenté cette modification de ses CGU constitue un véritable cas d'école de consentement assisté. Quatre points principaux étaient en jeu dans cette révision des conditions d'utilisation. Premier point, la manière dont sont partagées certaines informations sensibles pouvant figurer dans les profils, comme la situation amoureuse, la religion ou l'orientation politique. Deuxième point, l'activation des fonctionnalités de reconnaissance faciale dans les photos ou les vidéos publiées sur la plateforme. Troisième point, le fait que Facebook puisse utiliser des données fournies par un partenaire pour proposer des publicités ciblées, notamment des traces laissées lors de l'utilisation de sites tiers ne faisant pas partie des différents sites que possède Facebook. Enfin, quatrième point, divers changements touchant les fonctionnalités comme le marketplace et la manière dont les données sont partagées entre les différents services détenus par Facebook comme WhatsApp, Instagram et Oculus. Comme le relève le site TechCrunch, il y avait déjà une certaine ambiguïté dans le design même des pages par lesquelles Facebook a demandé à ses utilisateurs de consentir à des changements. C'est un extrait de son article. À toutes les étapes, vous pouvez appuyer sur le joli bouton bleu « J'accepte et je continue » sans avoir nécessairement scrollé pour lire les informations. Si vous appuyez sur le vilain bouton gris « Modifier les paramètres », vous devez en passer par des écrans intermédiaires où Facebook vous présente des arguments pour essayer de vous dissuader de retirer des informations avant de vous laisser faire votre choix. Il semble que tout était pensé pour que les utilisateurs passent leur chemin sans opposer de résistance tout en introduisant des frictions lorsqu'ils souhaitent effectuer des changements. Ça, c'était la fin de l'extrait d'article. Mais il y a surtout des différences significatives dans la manière dont ces quatre choix ont été présentés aux utilisateurs. Pour le partage des informations sensibles et la reconnaissance faciale, il semble que Facebook ait bien fait l'effort de se conformer aux prescriptions du RGPD. Concernant ces deux points, les fonctionnalités sont en effet désactivées par défaut. Et il faut que l'utilisateur aille activement cocher des cases pour exprimer son consentement à ce que ces informations soient partagées ou la reconnaissance faciale activée. On est donc bien dans un consentement libre, dans la mesure où le refus n'est pas bloquant et ne cause pas de préjudice à l'utilisateur en l'obligeant notamment à supprimer son profil. On notera quand même la manière dont Facebook s'efforce d'influer sur la décision de ses utilisateurs, en mettant en avant les nombreux bienfaits qui résulteraient de l'activation de cette fonctionnalité, comme la protection contre l'usurpation d'identité ou même l'assistance aux personnes malvoyantes. Mais sans dire, bien sûr, que cela permettra aussi à l'entreprise de constituer une des plus gigantesques bases de données biométriques au monde. Pour l'utilisation des données partenaires à des fins de ciblage publicitaire, les choses sont déjà subtilement différentes, puisque l'option est activée par défaut et qu'il faut que l'utilisateur aille plonger dans ses paramétrages de confidentialité pour y mettre fin. On peut se demander dans quelle mesure cette modalité d'approbation est bien conforme aux principes de privacy by default et de privacy by design, figurant dans le RGPD, qui implique que les personnes obtiennent d'emblée le plus haut niveau de protection possible de leurs données. Mais c'est surtout pour la dernière partie de l'acceptation des modifications des CGU. CGU, je n'y arrive jamais, que la manière de procéder de Facebook est problématique, notamment pour ce qui a trait au partage de données entre Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus. L'utilisateur n'a en réalité que le choix de les valider ou de supprimer son profil, comme on le voit sur la capture d'écran ci-dessous. Et donc moi, c'est là-dessus, entre autres, que j'ai buté, effectivement. Il est indiqué, si vous n'acceptez pas, vous ne pouvez plus continuer à utiliser Facebook. Vous pouvez supprimer votre compte et nous vous donnerons la possibilité de télécharger une copie de vos informations préalables. Évidemment, ça n'a pas loupé, je suis tombée sur cette charmante proposition qui a fini de me convaincre personnellement. Je reprends la lecture de l'article, pardon. Facebook nous dit que nous avons plusieurs options si nous ne souhaitons pas accepter ces changements. Mais en réalité, il n'y a aucune alternative à la suppression du compte en cas de refus. La plateforme propose juste de télécharger ses données avant de la quitter, ce qui permet à l'utilisateur d'exercer le droit à la portabilité prévu dans le RGPD. Et je me permets de faire un ajout, c'est qu'en fait, ce que tu obtiens, ce que vous obtenez, n'est que la copie de toutes vos données personnelles sur votre compte personnel, mais vous perdez absolument l'intégralité de tout ce qui concerne les pages que vous avez pu administrer, créer et pendant des années. Donc voilà. C'est aussi un bon frein au consentement à quitter Facebook. Je reprends la lecture. Violation du consentement libre. Il est surprenant que Facebook ait choisi de procéder ainsi, car en acculant ses utilisateurs à accepter ou à quitter la plateforme, il viole l'obligation de recueillir un consentement libre. C'est déjà cette forme de chantage au service qui lui avait été reprochée en décembre dernier par la CNIL à l'occasion d'une mise en demeure liée au partage des données entre WhatsApp et Facebook. Le consentement, ça c'est un extrait. Le consentement des utilisateurs n'est pas valablement recueilli car il n'est pas libre. Le seul moyen de s'opposer à la transmission des données est de désinstaller l'application. Ce que j'avais fait. Cette interprétation résulte de lignes directrices que le G29, le groupement des autorités de protection des données en Europe, a émises à la fin de l'année dernière à propos de la notion de consentement. Elles expliquent notamment que le RGPD prévoit que si la personne concernée n'a pas un véritable choix, se sent contrainte de consentir ou subira des conséquences négatives si elle ne consent pas, alors son consentement n'est pas valide. Il est également précisé que le RGPD garantit que le traitement de données personnelles pour lequel le consentement est demandé ne peut pas devenir, directement ou indirectement, la contrepartie d'un contrat. Cela signifie qu'une plateforme ne peut placer ses utilisateurs devant une option de type « take it or leave it », « prends-le ou quitte-le ». Si des individus donnent leur consentement dans une situation où ils y sont contraints pour pouvoir continuer à bénéficier d'un service, alors ce consentement n'est tout simplement pas valide. Dans un billet précédent, j'expliquais que cette interprétation du G29 est extrêmement importante, car elle va empêcher que les plateformes n'instrumentalisent le consentement des individus pour les faire participer à la fragilisation de leurs propres droits. C'est un extrait de l'article précédent. Ce caractère libre, spécifique, éclairé et univoque du consentement constitue autant de critères objectifs qui vont permettre de déterminer des conditions dans lesquelles un individu ne pourra pas consentir valablement à un traitement de données. Il s'agit donc moins en réalité de donner à l'individu un pouvoir de consentir que de définir, au contraire, ce à quoi il ne peut pas consentir. Fin de l'extrait. Le résultat est donc que peu importe que des millions d'individus aient sans doute accepté les modifications de CGU proposées hier par Facebook, cela ne peut pas constituer une base légale pour traiter leurs données personnelles, car les personnes ne pouvaient valablement exprimer leur consentement vu les conditions dans lesquelles elles étaient placées pour exercer leur choix. Mais de nombreux internautes n'ont pas l'air de comprendre cet apport majeur du RGPD, comme le montre par exemple le commentaire ci-dessous que voici en extrait. Pas vraiment, il semble assez logique de soit accepter les conditions, soit arrêter d'utiliser, non, signé par un certain Jörg Gerlings le 22 avril 2018 sur Twitter. La métaphore trompeuse du restaurant. Lorsque j'ai essayé d'expliquer ce problème hier sur Twitter, je me suis rapidement heurté à un certain nombre d'objections de la part de personnes qui trouvaient normal que Facebook procède de cette manière pour faire valider ces nouvelles CGU. Et plusieurs d'entre elles ont utilisé la métaphore d'un restaurant et de ses clients pour justifier leur point de vue. Voici un exemple. Je ne comprends pas la logique derrière cela. Je ne vais pas dans un restaurant si je n'aime pas la carte. Je ne demande pas au restaurant de faire un menu pour moi. Peut-être que la problématique se situe au niveau du changement, mais dans ce cas aussi, il y a un problème. Etc. par Stéphane Klein le 21 avril sur Twitter. Cela peut paraître relever du bon sens, mais en réalité, cette comparaison est profondément trompeuse. En effet, La relation entre un restaurant et ses clients est d'emblée marchande. Alors que le RGPD, du moins dans la manière dont le G29 l'interprète, vise à éviter justement que des données personnelles soient marchandisées. Plus exactement, ce texte vise à empêcher que les données des utilisateurs servent de monnaie d'échange en échange de l'accès d'un service à un service. C'est aussi ce que le Parlement européen a affirmé en novembre dernier, à l'occasion de l'examen du règlement e-privacy. Petit extrait, les données personnelles ne peuvent être comparées à un prix et, ainsi, ne peuvent être considérées comme des marchandises. Si cette interprétation exigeante de la notion de consentement libre et éclairé s'impose, alors il en sera fini de ce domaine, de ce modèle de fausse gratuité basé sur la publicité ciblée où les internautes devaient payer les services avec leurs données et leurs libertés. Malgré les déclarations de Mark Zuckerberg, Facebook s'est donc à nouveau moqué de ses utilisateurs en procédant de la manière dont il l'a fait pour leur faire accepter les modifications de leur CGU. Et il est assez piquant de constater qu'alors qu'il présentait ces changements comme une mise en conformité avec le RGPD, il en a en réalité violé l'esprit. Mais tout l'enjeu à présent va être de pouvoir faire valoir ces droits que le RGPD garantit, car ils resteront sinon lettre morte et aucun bénéfice réel n'en découlera. C'est la raison pour laquelle il est crucial de soutenir les actions du groupe que la Quadrature du Net est en train de lancer contre les GAFAM, car elle s'appuie précisément sur la notion de consentement libre du RGPD, et la première visera Facebook dès le 25 mai prochain. Le but poursuivi n'est pas seulement d'obtenir des modifications à la marge des CGU de Facebook, mais de détruire le modèle économique hyper toxique sur lequel Facebook a construit son empire. Lecture d'un passage de l'opération. Le modèle économique de Facebook est en train d'être drastiquement remis en cause. Il n'est plus permis de rémunérer un service en contrepartie de liberté fondamentale. Facebook ne va pas forcément disparaître, mais ne pourra plus continuer à se rémunérer de la même façon. Mais qu'importe. Nous n'avons pas besoin de Facebook pour pouvoir continuer d'utiliser des services gratuits et de qualité. Il existe déjà de nombreuses alternatives aux services des GAFAM qui sont réellement gratuites, c'est-à-dire n'impliquent pas de monnayer nos libertés, car leur financement repose sur le modèle originel d'Internet, la décentralisation, qui permet la mutualisation des coûts de stockage en calcul et en bande passante. Rejoindre collectivement ces alternatives est bien l'objectif final de nos actions. Mais nous pensons pouvoir n'y parvenir qu'une fois, chacun et chacune, libérés de l'emprise des GAFAM. Nous pourrons alors construire l'Internet de nos rêves, libre et décentralisé, que notre allié Framasoft construit déjà chaque jour ardemment. Et j'en rajoute une couche, je vous conseille vraiment d'aller régulièrement toquer à la porte de Framasoft, voir tout ce qu'il fabrique. C'est génial. Je reprends la lecture du texte. Pour cela, il importe d'être les plus nombreux possibles à l'occasion de ces actions de groupe pour peser en faveur d'une interprétation la plus stricte possible du RGPD, en mettant la pression sur la CNIL pour qu'elle reste fidèle à sa vision, à la vision qu'elle a mise en œuvre en décembre dernier face à WhatsApp. Donc, prenez le temps de cliquer sur ce lien, qui sera du coup aussi dans la description. Se joindre à la procédure est gratuit, sans risque légal, et cela ne requiert que votre libre consentement, dont vous pouvez faire une arme plutôt qu'un instrument de soumission. PS, suite à ce billet, j'ai supprimé mon profil Facebook ainsi que la page associée à ce blog. Il se trouve que la lectrice aussi. PPS. De nombreux internautes m'ont signalé que des sites et entreprises comme Airbnb, BlaBlaCar ou AXA exercent eux aussi un chantage au service pour faire valider leur changement de CGU en vue de l'entrée en vigueur du RGPD. Voilà. Voilà la lecture aujourd'hui. Je pense que je vous ferai aussi une petite lecture d'un ou deux textes de Richard Stallman. Mais en attendant, c'est tout pour le moment. À minuit, je dois virer mon compte et tout faire disparaître. À bientôt!